pour moi d'aller au lycée. Comme je suis motivé, la tête sous l'oreiller. Ça y est, je suis en retard. Je vois au loin partir le car. Ça me fait vraiment chier, j'avais à quoi conner. La cloche a sonné, je suis toujours à la bourre. À moi la liberté, je prends la sortie de secours. J'aimerais bien étudier, mais j'ai rendez-vous dans la cour. La cloche a sonné, je suis toujours à la bourre. À moi la liberté, je prends la sortie de secours. C'est pas le cours de français qui fera rencontrer l'amour. Sur les bords de la Loire. La cloche a sonné, je suis toujours à la bourre. À moi la liberté, je prends la sortie de secours. J'aimerais bien étudier, mais j'ai rendez-vous dans la cour. La cloche a sonné, je suis toujours à la bourre. À moi la liberté, je prends la sortie de secours. C'est pas le cours de français qui fera rencontrer l'amour. Sur son balcon, elle veut attirer l'attention. Elle a planté des clous sur son blouson, comme autrefois. Et pour épater la galerie, elle a coupé ses cheveux tout gris. Elle s'est fait une teinture violette, juste sur les pointes de sa crête. Elle a récupéré trois chiens, deux bulldogs et un dalmatien. Ressorti le guide du routard, oublié au fond d'un tiroir. Mamie Raymond s'est fait tatouer The gizmo dead forever, what you say. Au club de Scrabble, c'est l'anarchie. Elle cogne à chaque fois qu'elle perd une partie sur les mamies. Des amis, chaque fois qu'elle vient la guichet, elle ne dépense sa coupe chose vie. Mais au fond d'elle, bien qu'on la sente, froide comme une porte de prison, elle aimerait bien qu'on la dégonde encore. Une dernière fois, ma vie Raymond, t'accuses d'être forever what you say. Au club de Scrabble, c'est l'anarchie. Elle cogne à chaque fois qu'elle perd une partie sur les mamies. Chaque fois qu'elle perd une partie sur les papiers. virer monde, a fait inscrire l'anarchie sur sa tombe. Au club de Scrabble, c'est l'hécatombe, mais elle fait toujours bien partie de ce monde. Tiens bon, mamie Raymond s'est fait tatouer The Kiss No Death Forever, what you say. Au club de Scrabble, c'est l'anarchie, elle cogne à chaque fois qu'elle perd une partie. Souris mamie. J'ai même un bungalow pour dormir au boulot. laisse. Tu plais, je marche, on laisse. Tu es un enfoiré. Je crache sur ma dignité. Pour du poisson pané. Tu crois que je vais faire le taxi?